kids off crack clink. Kids off crack clink. Kids off crack clink. Kids off crack clink. Une pluie fine de critiques juste avant un déluge d'éloges. Ils nous maintiennent la tête sous l'eau et j'ai noyé le silence. Une pluie fine de critiques juste avant un déluge d'éloges. Ils nous maintiennent la tête sous l'eau et j'ai noyé le silence. Et ouais, la rime coule à flot, mais la plupart des vers sont vides. Et dit chaque mois ceux qui boivent mes paroles et les font vivre. Soif de savoir, un retour à la source. Et les mesures s'allongent. Je prie le ciel que le soleil brille ou que les nuages. Un aquarium de la fumée, tigé des litres, ça peut tuer. Dur d'y voir clair à travers des vitres pleines de buée. Demande à Nirka, mais personne n'essuiera ce que j'ai tué. Les relations solides ne reposent pas sur la liquidité. Mon écriture est sûre, je rappe sans faire de vagues. Je suis pas stupide ou pas d'uriner dessus. Quand l'enfer me nargue ou quand le malin m'arrose jusqu'à la rosée du matin à l'aube. J'taffe au bord de l'eau, t'as canalisé mon chagrin. Un peu d'eau de vie, et l'homme est aussi petit que la mer est trop géante. Et une seule goutte pourrait faire déborder l'océan. Donc je fais tout pour que ma prose m'apporte un soulagement à l'heure où les coups de foudre se métamorphosent en ouragan. Je remercie les frères dont j'ai depuis longtemps la pluie. Apprécie la pluie avant le beau temps, l'orage qui passe et l'éclaircie. Parce que la solitude ça tue les plus âgés comme les chaleurs. Nous on assume nos sentiments, tu peux demander à l'exhaleur. Ne les rejette pas comme des parents qui te disent nous nous inquiétons. Remercie la pluie sur tes joues car ce n'est pas pour rien qu'elle tombe. On pourrait se contenter de remercier le ciel et de vivre. Et d'apprécier la pluie surtout si elle est fine. Dommage que les cinéphiles n'apprécient que des torrents. Dommage que les hommes réagissent qu'après des alertes oranges. Dommage d'en faire une montagne si t'as pris un vent. Je représente ceux qui acceptent d'être trompés et qui avancent. Libre à toi de bien comprendre ou de bien suivre le cycle de l'eau. A ceux qui en doutent, réponds-leur que la pluie fait pousser les arbres. C'est facile de juger la foi ou le physique de l'eau. Et dire que la ville est ce que de joie pour ne plus toucher les armes. Manitès. Le cycle de l'eau.